je t'ai attendu presque toute une année et maintenant tu es là, si fragile encore que j'ai peur de bouger quand tu t'endors dans mes bras. Nous allons passer beaucoup de temps l'un près de l'autre à essayer de nous comprendre, de nous aimer, et bientôt tu verras la première fleur comme elle sera jolie à ton regard étonné. Et je sais déjà qu'après l'avoir cueillie, tu viendras me la donner. Tu connaîtras la pluie et le vent et les matins ensoleillés, les déceptions et l'amitié. Et puis un jour viendra où tu partiras sans me le demander, puisque la vie est ainsi. Je ne pourrai pas m'empêcher de pleurer comme tu le fais aujourd'hui. Mais il me suffit en attendant de ton sourire pour effacer tous les nuages de mes pensées qui ne sont que pour toi. Je t'ai attendu presque toute une année et maintenant tu es là. Oh, je t'ai attendu presque toute une année et maintenant.